C'était la série documentaire « Des arbres et des hommes ». Un arbre dans la ville. Avec Vincent Deluce, arboriste, Valérie Cabanès, juriste, Thomas Grasser, grimpeur, Erner Zürcher, ingénieur forestier, Gilles Clément, jardinier, Basmet, architecte paysagiste, Gilles Antier, géographe, Emmanuel Coccia, philosophe, Giuseppe Pennone, artiste, Christophe Marx, responsable cellule expertise arboricole de la ville de Strasbourg, et Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale. Merci à Sabine Dahuron pour les Archivina. Merci à Estelle Ferrari de la documentation, à Véronique Lafalère, Maria Contreras et Vanessa Chang de la Bibliothèque Centrale de Radio France. Merci à Christophe Lucien. Prise de son Nicolas Mathias, Jérémy Thuil, Yvan Turc. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter au Square, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, quatrième épisode, l'arbre sensible. Mais en attendant, restez à l'écoute.